Mais d'abord, voici l'humeur de Guillaume. Ah, oui. Oui, absolument. J'avais une excellente question pour Julien, ce sera pour après. Ouais. Bon, ça va les amigos ? Mais très bien. Vous avez vu Stromae au JT de TF1 ? Incroyable. Dingue, non ? Il a parlé de suicide et tout. Moi, ce matin, je vais vous parler d'anxiété. On est comme ça, les Belges en France. Hein. On est là pour vous niquer le moral. C'est une mission secrète de notre gouvernement. Tu vois. L'objectif, c'est la Coupe du Monde 2022. L'idée, c'est qu'en décembre au Qatar, vous soyez tous au bout du rôle. Vraiment, ça va être pire que l'Afrique du Sud. C'est pas que les joueurs sortiront pas du bus, sortiront même pas de leur lit. Vraiment. Ils seront dans leur chambre en position fœtale à sucer les petits écoliers, là. Le biscuit, hein, je précise. Non, parce que je viens de Belgique. Oh, en Belgique, c'est pas qu'on peut faire les deux, mais la loi est floue, quoi. C'est vrai. Ah, une blague sur les pédophiles belges. Ah, ça faisait longtemps. J'aime pas dire que c'est poussiéreux. Moi, je dis que ça a du cachet. Alors, en même temps, j'ai eu que quelques heures pour écrire ce billet que celui qui n'a jamais utilisé de grosses ficelles pour torcher une chronique en vitesse lève la main. Ah merde, il est pas là, Daniel Morin. Ah merde, putain, le Covid. L'équipe est décimée. C'est pour ça que je suis venu au pied levier et après. Je trouvais pas de sujet hier et ça m'a rendu anxieux. Surtout qu'on m'avait dit ce sera Emmanuel Carrère et Juliette Binoche. J'avoue, Juliette Binoche, je connaissais pas. On m'a dit, mais si, Juliette Binoche, Oscar. J'étais là, mais moi dans Oscar, je m'appelle surtout De Funès. Enfin, peut-être que vous étiez super, mais je m'en rappelle pas trop. Mais Emmanuel Carrère, c'est probablement mon écrivain préféré, quoi. Avec le Thierry Beccaro, première période. Les bouquins de Thierry, c'est que j'étais déçu. Je trouve les derniers, c'était un peu. Je trouve ça patine dans les sous-intrigues. Donc Emmanuel est repassé en 1. Mais c'est dommage qu'Emmanuel Carrère se soit. C'est dommage qu'il se soit dit oh, faire une émission face à Guillermo Guise, j'ai pas les épaules. C'est vraiment dommage. Il était anxieux et c'est pas inhabituel parce que d'après le dernier rapport de Santé publique France, un Français sur trois présenterait des troubles anxieux ou dépressifs, quoi. C'était 1 sur 4 avant la sortie du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois, qui a fait beaucoup de mal au moral de ce pays. Moi-même, je suis quelqu'un de très anxieux, ce qui n'est pas illégitime. C'est pas illégitime dans le contexte. Non seulement il y a la pandémie, c'est d'être anxieux, c'est pas, non seulement il y a la pandémie, mais hier sur Facebook, j'ai vu une photomontage d'Alain Chabat déguisé en lanceur de javelot avec écrit Chabat lance pas mal à Paris. Ben ça, par exemple, ça me rend très anxieux. Je veux dire, Zemmour au pouvoir, je suis pas fan de l'idée, mais Chabat lance pas mal à Paris. Ça me donne envie de crever dans un potager d'intérieur. Et je suis anxieux tout le temps. Ici, j'ai toujours l'air enjoué quand je suis ici, ouais. Grâce à la cocaïne. Et franchement, merci encore Nagui. Merci Nagui. C'est peu connu du grand public, votre générosité. Mais chaque fois, il s'est dit, il pourrait tout garder pour lui, mais non, il partage. C'est formidable quand même. J'ai juste peur qu'avec l'arrivée d'Alex Kominek dans l'équipe, ça réduise ma part. Vraiment, parce qu'en Suisse, Alex, on l'appelle la neige, même au printemps. Vraiment. Ah, si je suis moins guilleré à l'avenir, vous saurez pourquoi. Mais bon, au quotidien, c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très joyeux, quoi. C'est peu de le dire. À côté de moi, Michel Houellebecq, c'est David Fuenquinos, quoi. Vraiment, j'ai du linge de maison qui fait des TS. Vraiment, c'est rare quand même que t'aies une housse de couette qui pose un RTT. Tu vois, moi, je suis rentré, il y avait écrit, faut que je m'entoure de gens positifs. Là, je dors à même sous les acariens, tu vois. J'en ai approvisionné, apprivoisé. C'est ça le terme. C'était ça le terme. T'avais les lettres. Voilà, c'est super pour la blague. Ça va bien la rythmer, c'est bien. Donc tout m'angoisse, je vais plus la faire. Moi, ça me vient de mon père, l'angoisse. Mon père, tout l'angoissait. Le beurre était un peu dur, il prenait un Lexomil, quoi. Vraiment, Navarro se prenait la tête avec bain-marie, il soufflait dans un sac en papier. J'ai bien confiance que c'est très fait, le papa parle à grand monde. Mais j'ai essayé plein de trucs pour gérer mon anxiété. Les médicaments, le jogging, le CBD, même le yoga, quoi. J'ai essayé le yoga, j'ai un groupe de muscles qui m'a fait. C'est pas que je suis pas souple, moi je crisse quand je m'abaisse, on a l'impression que j'ouvre la porte d'un donjon, vraiment. J'ai essayé de faire de la méditation, mais dès que je me retrouvais dans ma grotte intérieure, il y avait Leïla qui apparaissait en mode on se retrouve à 13h, franchement, à 13h. Je suis allé voir des psys aussi. J'étais voir des psys, mais ma dernière psy, elle s'est endormie pendant la séance. Je vous promets que c'est vrai. C'est vrai, c'est le truc le plus vexant qui me soit arrivé de ma vie. Et pourtant, je me suis souvent mis nu devant des femmes, quoi. Et elles ont souvent commenté ce qu'elles voyaient, donc vexé, je connais, tu vois. Mais du coup, j'ai eu une dernière trouvaille pour calmer mon anxiété. Quoi, l'alcool? Non, l'alcool, ça marche bien sur le moment. Puis le lendemain, tu te rappelles que t'as dit Chabat lance pas mal à Paris. Et t'as ça t'angoisse encore plus. Non, ma dernière trouvaille pour calmer mon anxiété, c'est de faire tous les Pixar. Et ça marche, franchement. Ah ouais, je regarde tous les Pixar là pour le moment. Sauf qu'à 40 ans, je passe mes soirées devant le monde de Nemo. Alors franchement, on n'a plus le temps d'écrire de vraies chroniques, quoi. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillermo.